Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. De Chine au large de Brunei ou de Palawan, à la recherche de jonques de la dynastie Song, parfois des Ming. Mais il a aussi à son actif quelques vaisseaux de la compagnie anglaise des Indes orientales, un galion espagnol du XVIe siècle finissant, sans omettre en Méditerranée, une partie de la flotte de l'expédition d'Égypte en Atlantique, un navire de traite au large de Cuba. Griffin Investigator, Capitaine Scholl, San Diego Adelaide Espagnola, mais aussi Lorient, la Sérieuse, l'Artémise, Franck Godiot. Bonjour. Bonjour. Depuis maintenant exactement 30 ans, vous faites remonter des profondeurs marines de petits fragments d'histoire, celles de commerces exotiques et lointains, de batailles, conquêtes ou affrontements. Dans le cadre de votre Institut européen d'archéologie sous-marine, vous cherchez aussi les sites et villes submergées, notamment en Égypte, dans la baie d'Alexandrie et d'Aboukir. Osiris, mystère englouti d'Égypte, exposition qui vient d'ouvrir à l'Institut du monde arabe, retrace cette dernière aventure. Franck Godiot, cette aventure, la vôtre, commence en juillet 1984 par forcément une première plongée. Une plongée en baie d'Aboukir, bien évidemment. J'avais été invité par Jacques Dumas, qui venait de retrouver l'Orient, à venir et à plonger sur ce site assez extraordinaire. Et première plongée, il me laisse devant le gouvernail qui venait d'être découvert et qui était en cours de fouille. Et puis tout seul sous l'eau, je nettoie avec la main ce gouvernail et je vois apparaître une inscription « Le dauphin royal ». En fait, en remontant, je lui dis « Mais êtes-vous sûr que c'est l'Orient, Jacques ?» Il me dit « Oui, bien sûr, pourquoi ?» Ben, je dis « Je viens de voir écrit « Le dauphin royal ». Et il s'est examiné. Mais c'était le nom de ce navire avant qu'il ne soit rebaptisé. Il était construit sous le nom de Dauphin Royal, il s'est appelé après le Sans-Culotte, et puis, in fine, l'Orient par Bonaparte. Alors c'est un désastre de l'histoire de France, mais qui débouchera sur cette vague d'égyptomanie durant l'Empire ? Le naufrage de l'Orient n'a pas facilité du tout la conquête de Bonaparte, mais il a poursuivi sa conquête à terre, et bien sûr, on connaît le résultat, et puis cet engouement des Français pour l'égyptologie. Mais très modestement, le naufrage de l'Orient, moi, m'a permis de discuter avec des archéologues égyptiens, et qui, à cette époque, m'ont dit « Mais il manque des villes, les villes de Tonis, Héraklion, Canope n'ont jamais été retrouvées. Où sont-elles ? Probablement dans cette région. » L'Orient avait été coulé par Nelson, d'après ce que je crois. Il y avait d'autres épaves, au fond, de cette époque ? Oui, nous avons repris, bien des années après, les fouilles de Jacques Dumas et à demande des autorités égyptiennes de l'Orient. Mais nous avons aussi retrouvé l'Artémise, bien sûr. C'était des frégates assez étonnantes qui ont coulé aussi pendant cette bataille d'Aboukir. Alors, où se trouve exactement cette baie d'Aboukir ? Yabed Aboukir se trouve à 35 km au nord-est d'Alexandrie. C'est une baie très ouverte, très large et qui recelait des trésors, mais ça, on ne le savait pas encore. On savait tout de même qu'il y avait des monuments égyptiens qui reposaient au fond. Avant que vous n'arriviez, quelques chercheurs étaient déjà passés par là, avaient déjà entrepris quelques plongées. Dès le début du XXe siècle, certains savants avaient émis l'hypothèse que les villes manquantes était peut-être englouti en baie d'Aboukir. Mais un événement tout à fait considérable arrivera en 1937. Le prince Omar Toussoum, qui possédait une partie de la côte de cette baie, a été averti par un pilote de la RAF qui avait vu des choses dans la baie. Alors il va s'y précipiter avec un plongeur, genre scaphandrier, Tintin et Milou. Il plonge et il revient en disant « Ah ben non, ce sont des herbes, ce sont des algues ». À ce moment-là, des pêcheurs s'approchent de lui, ils disent « Que cherchez-vous, Excellence ?» Et il dit « Il y a des ruines, on pensait qu'il y avait des ruines. » Et les pêcheurs lui disent « Non, non, mais tout près de la côte, là-bas, il y a des ruines. » Il y va, et à la première plongée, il retrouvera une tête d'Alexandre le Grand et des colonnes de granit très proches de la côte. Mais cela voulait dire que des sites habités avaient été engloutis par les flots. Et donc, s'il y en avait très près de la côte, pourquoi pas beaucoup plus loin. Est-ce que l'on avait des textes, la papyrologie, livrait déjà quelques renseignements par exemple ? Il y a de nombreux textes antiques qui parlent des villes de Tonis, d'Héraclion, de Canope. Hérodote a visité la ville d'Héraclion en 450 avant notre ère. Diodore de Sicile parle d'une ville qui s'appelle Tonis. Trabon visite aussi ces sites et dit que Tonis était peut-être une cité mythique qui existait jadis près de la cité d'Héraclion. Donc, il y avait beaucoup de textes, y compris d'ailleurs un texte très important qui est le texte de la stèle du décret de Canope et qui nous apprend que entre ces deux villes d'Héraclion et de Canope avait lieu tous les ans un pèlerinage nautique du dieu qui sortait du grand temple d'Héraclion pour aller à son sanctuaire de Canope. Par quel phénomène des villes entières ont-elles été submergées ? Ces villes ont été frappées à différents moments de leur histoire par des cataclysmes. Tremblements de terre qui ont déclenché des effondrements de terrain, des liquéfactions de terre, et les monuments qui étaient construits sur ces terres se sont enfoncés de plusieurs mètres. Mais c'était des catastrophes relativement ponctuelles qui détruisaient une partie de ces villes qui étaient ensuite reconstruites. Bien évidemment, il y avait aussi des phénomènes beaucoup plus lents, mais aussi malheureusement très destructifs. Le lent enfoncement des terres dans le bassin oriental de la Méditerranée, l'élévation du niveau de la mer constant depuis l'Antiquité, mais ces mouvements lents étaient aussi contrebalancé par l'apport annuel des alluvions du Nil. Donc il y avait un certain équilibre, mais cet équilibre a été rompu et au 8e siècle de notre ère, un cataclysme énorme a englouti les sites d'Héraclion-Tonis, de Canope et même du grand port, le Portus Magnus d'Alexandrie. Il y a aussi le raz-de-marée de 365, le fameux tremblement de terre de 1375, qui va d'ailleurs raser le phare d'Alexandrie. Oui, parce qu'une fois engloutis, ces sites ont été encore touchés par des cataclysmes. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Certains cataclysmes, on en a des preuves par écrit, 365, 14e siècle, mais d'autres. Alors, le plus grand, celui qui a lieu au 8e siècle, mais on n'en trouve pas de traces écrites, mais on en trouve des traces archéologiques sur les sites de Tonis et Héraclion, de Canope et d'Alexandrie. C'est-à-dire que sous l'eau, vous avez retrouvé les failles sismiques ? Oui, et en fait, quand nous avons fait nos prospections géophysiques, nous détections les failles qui avaient été provoquées par des affaissements de terrain dus à des constructions très lourdes sur un terrain instable. Et donc, on détectait indirectement ces monuments. Ce n'était pas le monument lui-même qu'on détectait, mais la faille qu'il avait créée en disparaissant. L'eau a monté de combien de mètres ? Ou la terre s'est enfoncée de combien de mètres ? Eh bien, aujourd'hui, ces sites qui devaient être 3, 4 mètres au-dessus du niveau de la mer se retrouvent entre 9 et 5 mètres sous l'eau, et même parfois un peu plus, parce que nous avons 1 à 3 mètres de sédiments qui recouvrent tous ces sites. Comment doit-on s'imaginer ces villes juste au débouché du Nil et de la Méditerranée, dans la fin du delta ? Eh bien, la ville de Tonis, on le sait, était posté à l'embouchure de la branche canopique du Nil, qui était la plus grande branche navigable durant l'Antiquité, et Tonis gardait l'entrée de l'Égypte. Elle était donc postée juste à l'embouchure, avec de nombreux canaux, des îles, c'était une Venise du Nord. Canope était un peu plus à l'intérieur des terres, c'était une grande cité religieuse qui a été après approchée de plus en plus par les eaux. La mer a grignoté ses temples et finalement elle s'est effondrée sous la mer elle aussi. Alors ces remontées d'eau, Franck Godiot, elles affectent une grande partie du littoral égyptien ou justement juste ce delta du Nil ? On est certain qu'à l'ouest du delta du Nil, des sites énormes ont été engloutis sous les flots. Dans la baie d'Aboukir, 110 km² de terre portant les villes de Tonis, Héraclion et de Canope ont été engloutis. Est-ce le même phénomène plus à l'est du delta ? On ne sait pas, mais c'est fort probable. Ces cités, vous le disiez à l'instant, ont disparu vers le 8e siècle de notre ère, donc autour de l'avènement de l'islam. Et étaient-elles encore occupées durant ces périodes ? Eh bien, nous avons des cas différents. Canope était parfaitement occupée et on a retrouvé les restes d'un grand monastère byzantin, le monastère de la Metanoïa, avec de nombreux bijoux, croix, et pièces de monnaie et d'or. Et l'objet le plus récent retrouvé est une pièce d'or islamique de la fin du 8e siècle de notre ère. Héraclion-Tonis, c'est tout à fait différent. La ville a été presque totalement détruite au 2e siècle avant notre ère. Le grand temple de l'Amon Guéreb est passé en partie sous les flots. Et puis le site a été en partie réoccupé au 6e siècle de notre ère par un couvent de nonnes que nous avons retrouvé d'ailleurs. Et dans ce couvent, que retrouve-t-on ? Eh bien, des monnaies en or byzantines et aussi islamiques de la fin du 8e siècle de notre ère. Pour vous, les gens ont quitté cette région précipitamment ou normalement, doucement ? Est-ce que l'on a eu une catastrophe extrêmement brutale autour de ce 8e siècle ? Eh bien, la catastrophe a été brutale en une fraction de seconde. On retrouve d'ailleurs encore des ossements, parfois pris sous des blocs calcaires. Le phénomène sismique et de liquéfaction des terres a englouti ces sites en une fraction de seconde. On doit se les imaginer comment ? Alors nous sommes sur le débouché du Nil, devant la Méditerranée. J'imagine qu'il devait y avoir pas mal de petites îles, des aménagements. Eh bien, on connaît parfaitement maintenant le paysage antique qui est maintenant submergé. Ce paysage s'appelait la Honée. C'était un réseau de branches secondaires qui enserraient des îles et des îlots marécageux. Sur ces îlots étaient construits les sanctuaires, étaient postés les sites d'habitation. Tonis Héraclion, c'était une Venise du Nord, mais très grande. La surface de Tonis Héraclion couvre environ 3 à 4 fois la surface de la ville de Pompéi. J'ai souvenir d'être monté sur votre bateau en baie d'Alexandrie, voici maintenant il y a bien longtemps. Ce que vous tentez, c'est de reconstituer la topographie antique par des prospections géophysiques ? Nous avons fait pendant des années des prospections géophysiques systématiques avant même de plonger. En fait, nous ne voulions absolument pas toucher au site avant d'avoir une connaissance préalable et la plus approfondie possible de ces sites. Ce qui nous permet maintenant de faire des fouilles très ponctuelles et très focalisées à des endroits où nous savons que nous devons fouiller et on évite de perturber les sites, en ouvrant de grandes fouilles, un peu comme on le faisait au 19e siècle. On agit un peu comme on agit maintenant en chirurgie moderne, on fait des IRM, des scanners, et on opère exactement à l'endroit où il faut opérer. Dans ces prospections, vous les faites à partir d'un bateau, vous faites une sorte de ratissage systématique sur des hectares et des hectares, voire des kilomètres carrés ? En baie d'Aboukir, nous avons couvert 150 km² par des lignes espacées de 10 mètres chacune qui devaient être parfaitement droites et en tractant des instruments de détection comme les magnétomètres à résonance magnétique nucléaire, certains sonars à bande latérale, des instruments bathymétriques. Maintenant, on utilise le multifaisceau qui donne une image du fond d'une précision centimétrique. Et donc, nous avons généré des cartes électroniques comme ça qui nous sont maintenant d'une très grande aide aux fouilles. Qu'est-ce que l'on voit sur ces cartes ? On voit des anomalies, on dit toujours des anomalies. Mais on voit des anomalies, surtout magnétiques. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette anomalie qui se prolonge sur 150 mètres comme ça, toute droite ? Eh bien, on va faire une fouille transversale à cette anomalie au milieu. Et on va découvrir que c'est un grand mur enfoui sous sédiments, sous 2 mètres de sédiments, construit de grands blocs calcaires d'1,60 m. Eh bien, on va se projeter à l'est, 75 mètres plus loin. Une autre fouille très ponctuelle, même mur, à l'est, même mur. Eh bien, on sait en 3 petites fouilles que nous avons un mur de 150 mètres de long, selon taille caractéristique. Et stop, on arrête là les fouilles. Je reviens, Franck Godiot, sur votre méthodologie. J'imagine que vous utilisez, bien sûr, des instruments qui vous permettent d'avoir les 3 dimensions. Mais vous m'avez parlé de ce magnétomètre à résonance nucléaire. C'était un appareil que vous aviez déjà dans la baie d'Alexandrie quand j'étais venu vous voir. Un matériel tout à fait exceptionnel. Oui, c'est un matériel exceptionnel qui a été développé par le Commissariat à l'énergie atomique et que nous utilisons depuis les années 1990. Et nous sommes aidés par des ingénieurs géophysiques, d'ailleurs, qui travaillaient pour le CEA, qui ont été détachés, qui sont restés dans l'équipe et qui, depuis lors, ont généré, bien sûr, des programmes d'interprétation, du soft, je dirais, d'une puissance extraordinaire et qui nous permet de faire des prospections sur des zones immenses avec une précision extrême. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Franck Goudiot, est-ce que vous avez par exemple vu le cours ancien du Nil ? Eh bien, nous avons pu, grâce justement à ces magnétomètres à résonance magnétique nucléaire, voir le cours ancien du Nil dont les sédiments avait une susceptibilité magnétique différente des terres environnantes. Et on voit parfaitement la branche canopique, maintenant sous l'eau, qui se déversait à un endroit qui est maintenant à 10 km en mer. Et on peut suivre son tracé parfaitement. Et ça nous a été d'une grande aide aussi pour découvrir la ville de Tonnis et Racaillon, car nous savions qu'elle était à l'embouchure de cette branche. Donc on a scanné, je dirais, particulièrement cette zone, et c'est là où nous l'avons découverte. Mettons un masque. À quelle profondeur devons-nous plonger? Et que voit-on dans les eaux polluées et forcément à très forte sédimentation? Eh bien, je peux vous raconter notre première plongée sur Tonnis et Racaillon. On avait des signatures magnétiques énorme, on était certain de voir plein de choses et donc, avec enthousiasme, on se poste au-dessus des plus grandes anomalies, on plonge, très peu de visibilité, 50 cm, 1 mètre par endroit, on arrive au fond et on voit du sable. Rien. Tout était sous le sédiment, tout était sous 50 cm et jusqu'à 3 mètres de sédiment. Donc, en fait, on arrive à détecter des vestiges totalement recouvert par le sédiment. Et si vous plongez, eh bien, vous ne voyez rien. Donc, il faut fouiller pour voir ce que l'on voit dans, par exemple, l'exposition et le catalogue des objets au fond de l'eau, quoi. Tous les objets que vous voyez dans cette exposition étaient sous des couches de sédiments, parfois de plusieurs mètres. Ce que vous avez découvert, et c'est ça le sujet de notre émission, c'est donc deux villes, Canope et Héraclion. Nous cherchions trois villes, Canope, Tonnis et Racaillon. Et en faisant les fouilles sur Héraclion, on a eu la preuve que cette ville d'Héraclion s'appelait aussi Tonnis. Et donc, ce sont, je peux dire aujourd'hui, deux villes que nous avons découvertes, la fameuse Canope avec ses sanctuaires, et la ville de Tonnis et Racaillon avec son grand temple d'Amon-Guéreb et ses sanctuaires secondaires. Dans la zone est de Canope, vous découvrez notamment donc un grand sanctuaire. Comment se présente-t-il au fond de l'eau? À qui il était dédié? À Canope, sous 1 à 2 mètres de sédiments par endroit, nous avons découvert un grand mur d'enceinte d'un temple, qu'on appelle un téménos. Et ce temple, nous avons pu identifier grâce aux découvertes de statues et de monuments inscrits que nous avons fait en son sein, c'était le temple au dieu Sérapis, le grand Sérapéum Osirium de Canope. On a retrouvé une tête du dieu, et la tête du dieu Sérapis en marbre, originale grecque du 3e siècle avant notre ère, elle appartenait à une statue qui devait faire plus de 4 mètres de haut. C'était la grande statue de culte de Sérapis. Et devant cette statue, des pèlerins du monde entier, de l'Antiquité, sont venus, car le dieu opérait des miracles, et il fallait dormir une nuit devant lui pour espérer un miracle. Sérapis est représenté dans votre exposition? Et cette statue de tête est dans l'exposition? Bien sûr, Sérapis est là, il trône. Quand vous arriverez à Canope, après un parcours sous-marin tout à fait mythique que vous verrez dans l'exposition, vous verrez cette tête qui vous accueille avec un sourire ineffable et extraordinaire. Quelle est la fonction de ces villes ouvertes sur la Méditerranée? Tonnis et Racaillon était le grand emporium, le grand port de l'Égypte sur la Méditerranée avant la fondation de la ville d'Alexandrie. Un très intense commerce s'opérait par cette ville et Tonnis et Racaillon étaient aussi le gardien de la porte de l'Égypte. Il y avait donc des citadelles à garder l'entrée de l'Égypte car quiconque pouvait pénétrer dans la bouche canopique pouvait aller partout en Égypte en remontant une île. Et donc le poste était stratégique. Tonnis et Racaillon avaient aussi un très grand sanctuaire, qui était le sanctuaire de Amon-Guéreb, qui est le dieu suprême du panthéon égyptien, sous la forme de celui qui donne au nouveau pharaon les titres de son pouvoir de souverain universel. Et donc, tout nouveau pharaon du 8e siècle avant notre ère, jusqu'à la destruction de ce temple, au 2e siècle avant notre ère, se devait de venir à cet endroit. Donc, importance économique portuaire, on a retrouvé 69 épaves dans les bassins portuaires, et importance religieuse pour Tonnis et Racaillon. Pour Canope, Eh bien, Canope, c'était bien sûr la détentrice du grand sanctuaire d'Osiris Serapis, et elle avait une importance religieuse insigne, et ce temple était le temple aimé des pharaons, selon les textes anciens. Rendons hommage à un grand égyptologue, Jean Yoyotte, qui fut professeur au Collège de France. Celui-ci pensait que ces villes ne faisaient qu'une. Qu'en est-il sous l'eau exactement ? Jean Yoyotte, en 1952, a publié une étude d'une érudition extrême sur le fait que, pour des raisons philologiques, il pouvait prouver que la ville de Tonis et la ville d'Héraclion ne faisaient qu'une. 50 ans après, nous avons découvert dans le sanctuaire de l'Amon Guéreb d'Héraclion une stèle parfaitement inscrite et intacte, une merveille. Et cette stèle se terminait par cette phrase « Et Pharaon ordonne que cette stèle soit érigée à la bouche de la mer des Grecs dans la ville de Tonis ». Donc nous savions que Tonis et Héraclion étaient la même ville. Eh bien, Yoyotte, Jean Yoyotte, qui était là, a lu cette stèle et a dit « Oui, bien sûr ». Mais je n'avais pas besoin de cela pour en être persuadé. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons les découvertes de Franck Godiot dans la baie d'Aboukir, à une trentaine de kilomètres d'Alexandrie, et actuellement objet d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe. Franck Godiot, vous avez été très proche de Jean Yoyotte, vous avez beaucoup travaillé avec ce grand égyptologue, mais aussi avec d'autres épigraphistes, les deux fameux frères Bernand. Bien sûr, André et Étienne Bernand, qui étaient des épigraphes extraordinaires, spécialisés dans l'épigraphie grecque en Égypte. Et ils nous ont apporté leur lumière, leur science extraordinaire. Et ça a été un plaisir en permanence renouvelé. Et maintenant, quand nous trouvons des hiéroglyphes, des monuments inscrits d'hiéroglyphes, nous pensons toujours à Jean Yoyotte. Et quand nous trouvons, bien sûr, des textes grecs, tout de suite nous pensons à André et Étienne Bernand. Et, dommage, ils ne sont plus là. Votre mobilier que vous exhumez, ou du moins que vous sortez de l'eau, il couvre à peu près quelle période ? Donc forcément le 8e siècle, vous me parliez du byzantin, vous m'avez parlé aussi du ptolémaïque, on imagine du mobilier grec, mais est-ce que l'on peut remonter dans le temps ? Nous avons maintenant, à Tonis et Héraclion, des preuves d'une occupation du 7e siècle avant notre ère jusqu'au 8e siècle de notre ère. Mais nous pensons que nous remonterons certainement un peu plus loin, puisque Hérodote, qui visitait ce site, associe la ville d'Héraclion et son grand temple à des événements de la légende troyenne de la guerre de Troie. Il dit qu'Hélène et Ménélas sont passés en ce site. Donc, probablement, ces villes remontaient au moins à l'époque où la légende troyenne a été mise par écrit. Donc là, nous sommes au 8e, mais nous n'avons pas encore des preuves pour Tonis et Héraclion. Pour Canope, oui, nous trouverons aussi des statues, des monuments qui datent du 7e avant et jusqu'au 8e après. Franck Godiot, vous nous avez expliqué que vous faisiez des prospections. Ensuite, que se passe-t-il ? Vous décidez de fouiller ? Eh bien, au vu des prospections et des résultats géophysiques que nous avons sur nos cartes, nous décidons de fouiller de façon très ponctuelle certains sites. Eh bien, quand nous commençons à fouiller, nous essayons premièrement d'identifier quel type de monument ou d'occupation il y avait à cet endroit. Et puis ensuite, si c'est un sanctuaire, nous essayons de voir, de l'identifier et de voir les rites et les cultes qui étaient rendus à cet endroit. Mais à Tonis et Héraclion, c'est un miracle. C'est un miracle archéologique. Et à chaque fois que nous trouvons un sanctuaire, nous avons des écrits sur or, sur bronze, sur pierre, qui nous indiquent l'identité de ce sanctuaire. Et on trouve de nombreux instruments de rites et de cultes qui nous en renseignent sur la façon dont les hommes honoraient leur dieu à cet endroit. Vous sortez des sculptures de l'eau ? On sort des sculptures, on a retrouvé même des sculptures colossales, dont à l'entrée du temple d'Amon Guéreb, la sculpture du dieu de l'inondation du Nil, Hapi, 5,10 mètres de haut, en granit rose, et il règne sur l'exposition, car Hapi, c'est la crue du Nil. Or, pour les Égyptiens, la crue du Nil était provoquée par les humeurs du dieu Osiris. Franck Godiot, ce que vous découvrez est par force éclectique. Toutefois, votre exposition est centrée sur un des dieux majeurs de l'Égypte antique, Osiris. Pourquoi ? Eh bien, au fur et à mesure des excavations sur ces sites, La présence d'Osiris est patente. On est sur des terres osiriennes. Et cette exposition s'est imposée à nous-mêmes de façon tout à fait étonnante. Il y a Osiris partout. Et dans le grand temple d'Amon-Guéreb, qui était le temple de la continuité dynastique, étaient célébrés les mystères d'Osiris, car une des raisons de la célébration de ces mystères, c'était d'assurer la continuité dynastique. Alors, rappelons brièvement le mythe d'Osiris, le dieu tué par son frère Seth. Le dieu qui apporte la civilisation sur Terre, l'agriculture, les lois, et bien sûr, et apprend aux hommes à honorer leur dieu. Un frère, Seth, qui est jaloux de lui, Seth va l'assassiner, le démembrer en 14 fragments, les éparpiller sur le royaume, et Osiris a une femme, Isis, qui est sa sœur, au grand pouvoir magique. Isis va retrouver ces fragments, les réunir, les assembler en créant la première des momies, et puis grâce à ses pouvoirs magiques, va réanimer le corps de son mari afin de pouvoir donner naissance avec lui à leur fils Horus. Horus qui va combattre Seth et les forces du mal, en être vainqueur et prendre l'Égypte en héritage. Tout nouveau pharaon sera un Horus et Horus protégera tous les pharaons. L'Osiris est un dieu très proche des hommes, de fait. C'est peut-être d'ailleurs même le dieu le plus proche des hommes dans le panthéon égyptien. Non, oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un dieu qui est proche des hommes. C'est le dieu qui permet aux hommes aussi, il leur donne l'assurance d'une vie après la mort. Il règne dans l'au-delà. Mais le mythe osirien, c'est aussi la victoire du bien sur le mal, bien que le mal n'arrive jamais à être éradiqué totalement. C'est aussi la victoire de l'amour sur la mort. Comment se déroulait la procession annuelle de ce culte, de ce mystère osirien? Forcément avec des prêtres et des vierges consacrées? Eh bien, entre Tonis et Hérakleion et Canope, il y avait une procession le dernier jour de la célébration des mystères d'Osiris. Et les mystères d'Osiris étaient une cérémonie qui commençait le 12 du mois de Koyak et qui se terminait le 30 du mois de Koyak. Et dans le sein des saints du temple, le prêtre initié, agissant pour le compte de Pharaon, dans le plus grand secret, fabriquait des statuettes différentes du dieu qu'il allait faire revivre, régénérer et mettre dans le tombeau supérieur du dieu. Et l'avant-dernier jour, et c'était une chose particulière justement de la région canopique, le dieu sortait de son temple de Amon de Guéreb et allait en grande procession nautique vers son sanctuaire de Canope où il allait être jeté à l'eau, c'est-à-dire dans ses propres humeurs. Quel mobilier lié à ce culte avez-vous découvert sous les eaux? Nous avons découvert des objets que seuls les prêtres ritualistes pouvaient voir et toucher, manipuler dans le plus secret des temples. Nous avons retrouvé à cuve jardin où on fabriquait l'Osiris végétans. C'était une statue du dieu de limon et de grains d'orge qui allait germer. Nous avons retrouvé ces instruments qu'on appelle les grandes réunisseuses avec lesquelles le prêtre allait mélanger les substances qui allaient recomposer le corps du dieu défunt et qui devait être régénéré, renaître. Des milliers d'instruments liés à ce culte ont été retrouvés à ces endroits. Les embarcations votives? Dans le canal qui reliait Tonis, Hérakleion et Canope, que nous avons retrouvé sous l'eau, on peut suivre le parcours de la barque divine, on a retrouvé la barque du dieu faite en bois de sycomore, consubstantielle d'Osiris, et aussi, fléchant, balisant et sacralisant le parcours de la barque, des modèles en plomb votif de cette barque qui, tous les ans, naviguait pour apporter le dieu vers l'au-delà. Franck Godio, merci. Je rappelle le titre de votre exposition à l'Institut du Monde Arabe, Osiris, mystère englouti d'Égypte, qui vient d'ouvrir ses portes d'un beau catalogue édité par Flammarion, enfin que la revue Archaeologia vient de faire paraître un numéro hors série consacré au sujet. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre au Musée de l'Homme qui renaît enfin. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Palares, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.